Chapitre 20e. Histoire de la folie d'un jeune homme. Vous dirai-je, Marcia, ce que je sentis lorsque, pour la première fois, vous m'invitâtes à entrer dans la chambre de votre père et que je m'assis dans l'obscurité, vous regardant pendant que la chaude clarté du feu éclairait votre visage et que sa flamme capricieuse se promenait çà et là sur votre figure. L'amour à première vue n'existe pas, car je ne vous aimais pas alors. Les sentiments qui agitaient mon cœur pendant cette soirée venaient seulement de l'étrange atmosphère où j'étais entré. Vous ne pourrez jamais comprendre combien cette pièce et tout ce qui la garnissait me semblait extraordinaire. Aucune terreur du désert, aucun péril venant des hommes ou des bêtes sauvages n'aurait pu m'agiter la moitié autant que ne le fit un seul regard jeté dans un intérieur anglais. Et vous-même, Marcia, qu'étiez-vous alors pour moi, vous qui êtes depuis devenu l'univers? Je ne puis assez m'étonner, quand je pense à cette soirée, de trouver que je pensais à vous avec calme, avec un plaisir d'artiste, comme un connaisseur songe à un beau tableau. Un homme ne devrait jamais négliger l'avertissement de son instinct. Tout d'abord, mon instinct me dit quel délicieux bonheur je trouverai dans votre présence et dans la société de votre père. Ah, comme je me trompais moi-même sur la source réelle de mes plaisirs. Dès le premier moment, j'eus conscience du péril. Mais la tentation fut trop grande. Je ne pouvais renoncer au bonheur. Il était si facile de me tromper. Quand votre image brillait le plus à mes yeux, je me disais, si j'avais été un homme heureux, j'aurais pu avoir une telle créature pour fille. Il y a des hommes qui ont de telles femmes. Peu à peu, il me vint à l'idée que j'étais presque assez âgé pour être votre père. Peu à peu, je m'abusais par tous les vieux petits mensonges avec lesquels un homme faible pactise avec sa conscience. Un homme faible, et je m'étais cru si fort, jusqu'à ce que je vous connusse. Cela fut seulement lorsque je fus devenu intime dans la maison de votre père, que je sus combien ce serait une horrible douleur pour moi de rentrer dans l'obscurité de mon ancienne vie. Ce fut seulement alors que je m'aperçus que je vous aimais. Ce fut seulement lorsque, assis seul dans ma chambre désolée, je me rappelais chaque regard de votre visage, chaque intonation de votre voix, que je devins fou à ces souvenirs et à la certitude que je n'avais nul droit de revoir encore votre figure et d'entendre jamais votre voix. Ce fut seulement alors que je compris l'intensité de mon amour et combien j'avais peu d'espoir que mon malheureux cœur reprît jamais son ennuyeuse tranquillité. Dieu sait combien je luttais contre la tentation. Vous connaissez comment j'y ai succombé. Je voulais retourner au désert, à mes courses solitaires et mes fatigantes haltes sous un ciel torride. Mais le tentateur fut trop fort. La coupe qu'il offrit à mes lèvres était si douce. De la première à la dernière fois, je sus qu'elle contenait du poison. De la première à la dernière fois, je bus l'insidieux breuvage, sachant qu'il contenait la mort. N'ai-je pas eu une pensée pour vous dans tout ceci? Oui, je pensais à vous avec une cruelle angoisse, lorsque je m'imaginais que vous souririez avec compassion à ma folie, si elle arrivait jusqu'à vous. Je vous surveillais de trop près pour ne pas me croire le maître de vos pensées et de vos sentiments. Votre tendresse respectueuse, vos attentions aimables, la sympathie que vous manifestiez pour mes études favorites, le plaisir que vous paraissiez prendre à ma conversation, tout cela me semblait seulement les grâces naturelles d'une créature parfaite dont la divine compassion s'étendait même sur un homme d'âge mûr que sa vie brisée rendait un objet de pitié. Dans les régions de l'impossible pourrait-il y avoir quelque chose aussi extravagant que la pensée que vous pouviez m'aimer, moi? Puis-je même en comprendre la possibilité maintenant? Non, sur mon âme et sur ma vie, dans mes songes seulement. Oui, seulement dans mes songes. À peine puis-je croire à un si grand bonheur. Je n'ai pas le droit de vous approcher d'aucune manière, si ce n'est comme un malheureux qui a besoin de votre pitié. Si je vous avais connu dans ma première jeunesse, lorsque la vie s'ouvrait brillante devant moi, lorsqu'il n'y avait rien de trop noble ou de trop élevé qui semblât impossible à mon imagination ambitieuse, je pense que l'ambition n'est que le second nœud de la jeunesse et qu'un homme qui n'a jamais été ambitieux n'a jamais été jeune. J'étais le seul fils du plus jeune fils de mon grand-père. Mon père et ma mère étaient tous les deux bien apparentés, mais ils étaient pauvres. Vous pensez peut-être que je vais me lancer dans quelques tirades sur la pauvreté. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une telle frayeur. La pauvreté de mon enfance n'a eu aucune horreur, car elle était supportée par des âmes trop élevées pour s'offrir de vêtements usés ou de dîners médiocres. J'ai vu ma mère dîner avec une robe de cotonnade, mais je ne l'ai jamais vu redouter la présence d'un créancier. J'ai vu mon père, en simple vêtement de toile, trinquer avec un marquis et avoir l'air aussi marquis que son compagnon. Il y a quelque chose de noble dans les anciennes familles, après tout. Qu'un Pierre Point balaye une route, il la balayera comme un Pierre Point, et ceux qui passeront se retourneront et diront « C'est un noble déguisé ». Ne riez pas de moi, Marcia, parce que je suis resté attaché à ces folles imaginations de ma jeunesse, au milieu de la ruine de mon âge mûr. La famille de ma mère était noble, mais son amour pour mon père se changeait en respect quand elle pensait à son nom, et ce fut sur ses genoux que j'appris combien c'était une grande chose que d'être un Pierre Point. Mon père était philosophe, linguiste, collectionneur de vieilles éditions et de curieuses brochures, enfin tout ce qu'un homme devient quand il croit que tout le bonheur de la vie est renfermé dans le verbe « savoir ». En cherchant dans tous mes souvenirs sur lui, je n'ai jamais pu me rappeler l'avoir vu s'intéresser à aucun événement de la vie journalière, ou à la manière dont vivaient nos voisins. Nous demeurions dans une vieille maison en ruine qui, jadis, avait été un presbytère. L'ancien cimetière s'étendait en pente à l'ouest au-dessous des fenêtres du salon, et mon premier souvenir est le soleil rouge, se couchant derrière les sombres masses de lierres enchevêtrées, que je sus plus tard cacher les tombeaux. Mais l'église n'était plus debout, depuis plus de 100 ans. Notre jardin touchait à cette clôture de verdure et je jouais quelquefois parmi les buissons de rosiers, de groseilliers, quelquefois parmi le lierre qui cachait les tombes, qui avaient été jadis de magnifiques monuments. La maison appartenait à mon oncle Weldon, le chef de notre famille, et nous vivions là, sans avoir de loyer à payer. Tout autour de nous, partout où nos yeux pouvaient atteindre, les terres que nous apercevions étaient à Weldon Pierre Point, et avait appartenu à la famille de Pierre Point depuis le règne d'Étienne. Le village le plus rapproché s'appelait Pierre Point, et j'avais 7 ans que je n'avais jamais dépassé les limites des propriétés de mon oncle. Si nous eussions vécu autre part, nous aurions peut-être senti qu'il y a quelque chose de fâcheux dans la pauvreté. À Pierre Point, l'homme qui aurait hésité à lever son chapeau lorsque mon père passait devant lui aurait été repoussé comme une sorte d'infidèle. Notre nom et la richesse de mon oncle nous entouraient d'une espèce d'auréole, et lorsque ma mère passait à travers la rue du village avec son chapeau de paille et sa robe de cotonnade, sa marche ressemblait à une marche royale. Ainsi, dès ma plus tendre enfance, j'appris à croire que c'était une chose très importante que d'être ce que j'étais. Et lorsque je fus assez âgé pour savoir ce que c'était que la pauvreté, je ne pouvais m'empêcher de rire de mépris à l'idée qu'elle pouvait être un obstacle à mes succès dans la vie. Mon premier malheur fut peut-être d'être resté trop longtemps à Pierre Point, trop exclusivement parmi les gens qui me respectaient à cause de mon nom, trop éloigné des hasards de la vie, dans lesquels Jones, le fils du boulanger, avait autant de chances de succès qu'un descendant direct des Plantagenets. Mon père et ma mère étaient aussi ignorants que moi de ce qui se passait dans le monde au-delà du château de Pierre Point Castle et de la ferme de Pierre Point. Mes parents étaient trop pauvres pour me donner une carrière universitaire, et comme le savoir de mon père aurait été assez grand pour discuter avec tous les professeurs d'un collège, il avait naturellement supposé que je n'avais pas besoin d'un meilleur instituteur. Aussi mon éducation se fit-elle au logis. Je sais maintenant que je ne pouvais avoir un plus mauvais maître, et que la cause de ma vie manquée se trouve dans l'enseignement borné de mon enfance. Sous la direction de mon père, j'acquis la science des livres, et je restais un véritable enfant dans la connaissance du monde. Le ciel seul connaît quels rêves m'ont visité dans ce vieux jardin entouré de murs, où l'herbe croissait plus épaisse et plus douce qu'aucun gazon que j'ai jamais foulé depuis. Quelle vision des grandeurs mondaines que je devais obtenir plus tard, dans les régions inconnues où tant de couronnes étaient suspendues à la portée des mains ou assez audacieuses pour chercher à les atteindre. Quel vivant tableau d'une carrière parcourue avec succès, des prix remportés, quand tout le sang de la jeunesse animait encore le vainqueur, d'une lutte courte et dure avec la fortune et d'une couronne de laurier rapportée au logis et déposée aux pieds de ma mère dans ce même jardin. Tout jeune homme élevé avec des gens de bonne famille dans un paysage champêtre est disposé à se croire un Wellington ou un Nelson en herbe. mes aspirations enfantines étaient pour l'état militaire et je me voyais déjà, revenant après la conquête de l'Inde à la ferme de Pierre Point, pour épouser la fille aux yeux bleus du curé, qui était terriblement coquette pendant la fenaison. Dieu ait pitié de moi dans mon désespoir et dans ma désolation. Je puis revoir encore le tableau que je me faisais à moi-même. Je me vois m'élancer sur la petite porte blanche en commandant une charge de cavalerie portant l'uniforme d'un général. Tous ces rêves s'évanouirent lorsque je devins un peu plus âgé et que mon père me communiquait une partie de son amour pour la science. Il y eut plusieurs consultations avec mon oncle Richard sur ma future carrière, et je trouvais que la question était considérée moins au point de vue de mes intérêts que sous le rapport de ce qu'un Pierre Point pouvait être ou ne pas être sans nuire aux autres Pierre Point. Après de grandes délibérations, il fut résolu qu'un Pierre Point ne se dégraderait pas en devenant leur chancelier, et il fut décidé que j'entrerais au barreau. Weldon Pierre Point, mon oncle, avait plusieurs fils, et sa propriété semblait aussi éloignée de m'appartenir que si j'avais été tout à fait étranger à sa famille. Mais j'étais son neveu, et son unique neveu, et par cette raison, il avait l'intention de m'assurer une petite rente pendant le temps de mes études et de faire des efforts pour m'ouvrir le chemin de la carrière judiciaire. Son offre fut acceptée et je m'en rendis à Londres par la malle-poste avec des lettres de recommandation dans mon buvard pour des personnages haut placés de la capitale et 25 livres sterling, c'est-à-dire le premier trimestre de ma pension dans ma poche. Vous souririez, Marcia, si vous pouviez savoir combien m'enivrait la conscience que j'allais entrer sur le champ de bataille de la vie, et combien ma foi était grande de pouvoir conquérir la renommée et la fortune. Les lettres de recommandation que j'avais apportées avec moi m'avaient à demi ouvert les salons les plus renommés du West End. Mais la seule dont je fis usage était une lettre adressée à un homme de loi octogénaire de la grande célébrité qui demeurait au Temple et qui avait la plus belle bibliothèque d'ouvrages de droit et la plus complète collection d'obmas qui fut en Angleterre. Ce gentleman me reçut avec civilité, me dit qu'il me considérait comme un Pierre Point, et me mit en garde contre les dissipations de Londres, qui étaient fort bonnes pour le commun des mortels, mais qui ne convenaient pas à un Pierre Point, et il m'indiqua la manière d'entrer dans ma nouvelle vie. D'après ses avis, je choisis deux greniers mansardés gratifiés du nom de chambre, et je les considérai avec une grande satisfaction pendant qu'on inscrivait le nom de Pierre Point en peinture blanche sur la porte noire, immédiatement au-dessous d'un plafond imprégné d'eau qui avait été décoloré par la pluie qui était tombée depuis un demi-siècle. Ah, quel jeune homme j'étais! Je suivais les cours les plus sérieux sur l'étude des lois, que je n'aurais pu apprendre seul, et les perroquets sifflaient au lever du soleil chaque matin, avant que je fermasse mes livres pour aller me coucher. J'avais pris à gage un garçon qui cirait mes bottes et brossait mes habits, et qui devait ouvrir ma porte dans le cas où, par quelque circonstance extraordinaire, quelqu'un serait venu y frapper. Et j'employai une blanchisseuse à nettoyer mes chambres et à acheter mes provisions. J'avais dîné pendant une quinzaine de suites, avec rien de mieux qu'une épaule de mouton et nul breuvage plus réconfortant que du thé, et j'avais passé souvent plus d'un mois sans échanger un mot avec aucune créature, si ce n'est la blanchisseuse et le garçon. Ah, quel rêveur extravagant j'étais, Marcia! Je m'imaginais que ma vie était entre mes mains, et que dans mon infatigable énergie, dans mon amour de la science et du travail, je trouverais la puissance de me transformer en un Bacon, mais en un Bacon sans vice, en un second Brougham, avec plus de grandeur que Brougham. Dans ma mansarde, avec ma chétive bougie pâlissant devant la lumière d'une faible aurore, je m'imaginais que j'étais au sommet de la puissante montagne de la renommée, ayant tout le monde au-dessous de moi. La vision de l'avenir était infiniment plus réelle pour moi que toutes les peines du présent. Je commençais à souffrir d'un mal de tête chronique, mais j'entourais mon front d'une serviette mouillée et je me riais de ma maladie avec dédain. Si Homer s'était laissé abattre par un mal de tête, il n'aurait jamais fini l'Iliade. Si Bacon n'avait pas été plus fort que l'hémophysique, le monde aurait perdu le novum organum. Quelles imposantes ombres me visitaient dans mes chambres sous les toits. Je ne les ai jamais revus depuis. Les Rose-Croix s'imaginent que les grands mystères de leur foi leur sont révélés par la pure lumière du célibat. Un visage appartenant à la terre vint bientôt se mettre entre moi et les visages que je voyais dans mes songes. J'avais vécu pendant une année à Londres, une longue et solitaire année qu'aucune visite n'interrompit, car tout en désirant revoir la figure aimée de ma mère, je ne voulais pas retourner à Pierre Point avant d'avoir fait quelques petits pas sur la grande route que j'étais si empressé de parcourir. J'étais à Londres depuis un an et mon esprit était aussi novice que lorsque j'avais quitté le toit paternel. Mais cette ennuyeuse et banale machine, le corps, qui ne peut faire plus de travail pour produire un bacon qu'un boulanger, était brisée. J'avais une petite fièvre qui n'était pas tout à fait sans danger. Et le docteur qui me soignait me dit que si je voulais vivre et pouvoir continuer à travailler, je devais aller passer quelques jours d'été à la campagne et fermer mes livres pendant quelques semaines. Mon premier mouvement fut d'aller à Pierre Point. Mais lorsque je me fus regardé dans la glace, et que je vis ma figure de spectre s'y refléter, je compris que ce serait une cruauté d'alarmer ma mère en me présentant devant elle avant d'avoir recouvré une partie de la force que j'avais perdue en travaillant si inconsidérément jour et nuit. Mon retour à Pierre Point aurait pu mettre en péril ma future carrière, car l'une des mères les plus tendres qui ait jamais vécu se serait effrayée en voyant mon air altéré et m'aurait persuadé de ne pas continuer mes études de droit. J'aimais ma mère très tendrement, mais je ne pouvais supporter l'idée de sacrifier mon ambition même pour l'amour d'elle. Je n'allais donc pas à Pierre Point, et les brillants rêves de mon avenir furent détruits par une méchante femme au lieu d'être volontairement abandonnée pour une bonne. Au lieu de me rendre dans ma chère vieille demeure au fond du comté de York, j'allais à un petit village sur les confins même de Londres. J'ai bataillé toute ma vie contre la doctrine insidieuse du fatalisme, mais je me suis demandé quelquefois pourquoi j'avais choisi ce petit village parmi tant d'autres de la même espèce, et comment il se faisait qu'un concours de petites circonstances m'eût amené à me décider à y aller. Cet endroit n'était pas fréquenté par la foule. Il était assez éloigné des grandes routes et je n'avais jamais vu son nom, jusqu'au jour où je tombais sur la pelouse champêtre par un beau jour d'été, et le vis inscrit sur un poteau indicateur. Je m'étais promené insoucieusement du temple à la cité, de bonne heure le matin, et j'avais pris place dans la première voiture qui partait dans le voisinage de la banque, trop indifférent pour demander où elle me menait. Comme je me rappelle la chaleur de ce jour d'été, la lumière répandue sur ce village verdoyant, où des canards barbotaient sur un étang, et où des pigeons se pavanaient devant une auberge à toit peu élevé, la beauté d'une allée couverte qui menait à l'église, le paysage richement boisé à distance s'étendant à l'ouest et par-dessus tout, le délicieux sentiment de repos qui entourait ce lieu comme une atmosphère palpable et calmait mes nerfs ébranlés en les jetant dans un tranquille engourdissement. Cet endroit était si près de Londres, en fait, que je m'étonnais de ne pas entendre le bruit des roues retentir à travers le talus boisé. Et cependant, il était en apparence si éloigné du mouvement et du bruit que je m'imaginais être dans le plus champêtre district de mon comté natal. Je pensais tout à coup que c'était le lieu où je pouvais reprendre mes forces sans m'éloigner de mon travail. La seule question était de savoir si je trouverais un logement. Je m'informai à la petite auberge devant laquelle les pigeons se pavanaient, et l'on me dit que je pouvais trouver là des chambres qui, malgré leur rustique simplicité, étaient infiniment plus somptueuses que mon appartement du temple. Le village n'était pas autre chose qu'un groupe de 4 ou 5 vieilles maisons, avec un endroit entouré de cordes pour les hommes et les bêtes sur le gazon, un étang pour les canards, un poteau indicateur pour renseigner les voyageurs égarés, et une petite église à moitié cachée par les ifs qui l'ombrageaient. Il y avait une boutique de forgeron près de la porte de la petite auberge, et 2 ou 3 chaumières avec des jardins devant, où la mignonnette et les géraniums poussaient en abondance, dans tout le village. Il n'y avait qu'un seul logement vacant et ce fut celui-là que je pris. S'il avait été occupé, j'aurais dû aller chercher à me loger autre part, et à compter de ce moment, toute ma vie aurait été bien différente de ce qu'elle a été. Je n'essaierai pas de me souvenir à quel fil d'araignée la balance de mon sort se trouvait suspendue et penchait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ce jour-là, tandis que je baguenaudais dans le village verdoyant et flânais dans le cabaret. Je ne retournai pas à Londres. Je n'avais pas d'amis dont j'eusse à prendre congé, nul engagement de société pour lesquels je dusse m'excuser, pas de dettes à payer. J'avais dans ma poche tout l'argent que je possédais au monde. J'écrivais un mot à ma blanchisseuse pour lui dire où elle devait m'envoyer mon porte-manteau et me le faire parvenir par le retour de la voiture. Et ayant fait cela, tous mes arrangements se trouvèrent finis. et je fus libre de me promener sur la pelouse, mes mains dans mes poches, et de respirer un peu de l'air frais qui devait me rendre les forces que mon travail de Londres avait épuisées. Je sortis, faible encore, mais non sans plaisir. Car il eût été étrange, en vérité, que l'aspect de ce paysage d'été n'eût m'eût pas été agréable, après les tuyaux de cheminée que j'avais regardés si longtemps. Le soleil descendait derrière les plus basses arêtes des talus à l'ouest, et un faible rayon cramoisi se reflétait dans l'eau à mes pieds et voltigeait parmi les feuilles des grands êtres sombres de la clairière. Pour le moment, j'oubliais que j'étais un lourd chancelier en herbe. Bacon et Montesquieu auraient pu n'avoir jamais existé, car ils ne tenaient aucune place dans mon esprit. Le traité des Augmentis, les essais de morale et de politique, l'esprit des lois, auraient pu n'avoir jamais été écrit, car ils n'avaient aucune influence sur mes pensées. J'étais un jeune rêveur enivré du paysage qui se déployait autour de moi et prêt à laisser échapper dans mon ravissement des citations de Keats ou de Shelley à chaque nouveau regard que je jetais sur le charmant tableau qui m'apparaissait. Pendant 12 mois, j'avais été emprisonné dans des mansardes de Londres. Pendant 12 mois, je n'avais rien vu de plus brillant que les chrysanthèmes des jardins du temple. Je m'avançais doucement, avec mes mains dans mes poches, murmurant quelques citations de la révolte de l'islam, entre les deux grandes rangées de hêtres et d'ormes poussant si près l'un de l'autre, que le sentier qui les séparait était un passage de verdure épais plutôt qu'une avenue ordinaire. Une longue arcade odorante d'un faible parfum aromatique, et tout près était un petit endroit où la lumière jaune du soleil brillait comme une étoile. Je sortis de l'avenue pour me trouver dans le chaud soleil du soir, et je me trouvai proche de la petite porte basse du cimetière. Les sons de l'orgue sortaient par les fenêtres ouvertes de la petite église, et je m'arrêtai sur la porte pour les écouter. De tous les sons de la terre, ceux de l'orgue sont pour mes oreilles la plus sainte musique. Si j'étais un infidèle pendant tout le reste de ma vie, je serais un vrai croyant lorsque j'écoute l'orgue d'une église. Quoique protestant, agenouillé parmi les catholiques au milieu des splendeurs de Cologne, d'Anvers ou de Rouen, j'étais aussi catholique romain que les plus bigots de mes compagnons, tandis que les glorieuses harmonies de Mozart ravissaient mon âme et la jetaient dans un monde de délices. Je restais les bras croisés sur la porte et j'écoutais l'orgue de l'église de Wellridge, comme depuis j'ai écouté la plus grande musique dans les temples les plus splendides. L'orgue n'était pas bon, mais il était bien touché. Le musicien avait le goût et le sentiment. La musique était tirée du Mont des Oliviers de Beethoven. J'écoutais jusqu'à ce que le dernier son expira. J'errais encore, en proie au charme que la musique exerçait sur moi, lorsque je fus exorcisé par un son tout différent, le rire argentin d'une femme qui résonna dans l'air. Et alors, j'entendis une voix claire s'écrier « Je vous remercie, monsieur Scott, mais c'est réellement le vieil orgue le plus mauvais que l'on puisse entendre. Pourquoi le recteur fait-il une souscription des sermons et des projets de concert les plus beaux du monde, et ne nous donne-t-il pas un nouvel instrument ? C'est réellement possible, cependant. Vous avez été très bon de me laisser jouer, et c'est une folie absurde à moi d'avoir voulu essayer ce vieil orgue. Mais j'ai toujours envie d'essayer n'importe quel instrument que j'aperçois, et je ne doute pas que si je visitais le palais de Buckingham et qu'il y eut un piano dans l'une des pièces, je m'en emparerais et ferai une double gramme chromatique depuis le bas jusqu'en haut. Imaginez-vous ce que penserait la reine. Rien n'est plus hideux au monde qu'une gamme chromatique, si ce n'est le miaulement mélancolique des chats. » Il y eut, après ces mots, un grognement bas masculin, et alors la voix claire reprit « Pensez-vous réellement ainsi ?»« Bien. C'est très aimable à vous de le dire. J'ai été élevé dans un couvent, vous savez. Non pas que je sois catholique. Oh mon Dieu, non. Papa faisait toujours des recommandations particulières pour que mes opinions ne fussent pas influencées, chaque fois qu'il payait les mémoires de ma pension, tous les 6 mois. Et j'avais l'habitude de jouer de l'orgue dans la chapelle du couvent, mais je n'en ai jamais joué pour une vraie congrégation dans une véritable église, si cela arrivait. Cela serait, je n'ose pas dire amusant, mais cela serait réellement très charmant. Mais papa va m'attendre pour dîner. Si je n'y prends garde, et alors je serai grondé. Au revoir. » Alors j'entendis un léger bruit de pas, le frôlement d'une robe de mousseline et le retentissement d'une lourde porte, puis la plus jolie femme que j'aie jamais vue de ma vie s'avançant en passant dans le sentier du cimetière vers la porte où j'étais appuyé. La plus jolie femme que j'eusse vue de ma vie, oui, c'était sous la forme idéale de la plus brillante beauté que Caroline Caffron apparaissait à mes yeux insensés. J'avais vu si peu de femmes, j'avais une si vague idée de tout ce que la femme peut avoir d'aimable et de charmant. Cette brillante créature qui causait et riait avec le vieil organiste à tête grise et faisait voler son aérienne écharpe de mousseline en s'avançant légèrement vers moi, cette jeune et rayonnante beauté dont les yeux noirs jetaient des flammes à l'heureuse conviction de leur éclat, cette reine des roses et des lys, cette belle splendide dont l'image aurait ébloui un sultan rêveur au milieu d'une foule de houris fantastiques, cette idole des jours de fête, digne d'être exposée à l'adoration des fous et des débauchés, me semblait l'incarnation de la beauté féminine. Mon cœur ne palpita pas alors comme il a palpité depuis au murmure plus doux d'une voix aimée. Les profondeurs de mon âme étaient trop pures pour être agitées par la puissance de cette femme, mais mes yeux étaient éblouis par cette vivante splendeur de forme et de couleur, et mes regards ravis suivaient Caroline Caffron comme si la petite ombrelle qu'elle tenait si légèrement dans sa main eût été la baguette magique d'une enchanteresse. Je lui ouvris la porte et me mis de côté pour la laisser passer. Elle me remercia avec la plus jolie inclinaison de sa charmante tête et s'enfonça sous les arbres avec le vieil organiste à son côté. Je saisis un misérable prétexte pour aller dans le cimetière et regarder les pierres tumulaires, et après avoir usé de ce subterfuge pendant 5 minutes, je suivis l'organiste et sa compagne. Ils causaient. La voix de la jeune fille résonnait claire au milieu du silence, argentine comme le chant des oiseaux dans les bois qui nous entouraient. Ce qu'elle disait était ordinaire et assez frivole. Mais pendant ces derniers 12 mois, j'avais rarement entendu des sons féminins plus doux que la voix rauque et nasillarde de ma blanchisseuse, et je suivais, et j'écoutais comme un esclave cette claire musique produite par la voix d'une jolie femme qui était si nouvelle pour moi. Elle parlait de son père, de ce qu'il aimait et n'aimait pas, combien il était épicurien et combien il était difficile de trouver quelque chose de passable pour dîner à Wellridge. Comment il pouvait à peine vivre sans ses journaux, et comme souvent les journaux arrivaient très en retard à Wellridge. Comment il commençait déjà à se fatiguer de cet endroit en dépit de ses beautés champêtres et qu'il pensait le quitter bientôt. Mon cœur souffrit en entendant tout cela. Tout l'éclat de mon jour de vacances s'évanouit devant cette magnifique créature que je n'avais vue que pendant le quart de la dernière heure. Par les réponses de l'organiste au discours de la jeune personne, je compris que le nom de son père était Caffron. Caffron. Cela résonne comme un beau nom, du moins, je le pensais, et c'était quelque chose de savoir son nom. Mais combien je m'émerveillais en songeant par quel enchaînement béni de petits hasards j'étais parvenu à connaître cette créature merveilleuse qui était aussi gracieuse pour le vieil organiste en habit râpé de tous les jours que s'il eût été duc. Je me demandais quelle était la majestueuse maison de Wellridge qu'habitait cette divinité. Je me demandais dans quel jardin ombragé elle passait ses journées, plus belle que la plus belle fleur qui fut jamais épanouie sur cette terre. Il y avait plusieurs grandes vieilles maisons à Wellridge, séparées des habitations enfouies dans le feuillage et ne se révélant que par une tour avec une horloge, une vieille coupole bizarre en pierre ou une pile de cheminées gothiques apparaissant à travers une percée du bois. Ma divinité et son compagnon prirent par la grande porte et passèrent sous l'ombre des murs élevés. Ils continuèrent jusqu'au bout le passage feuillu. Là, ils entrèrent et marchèrent vivement sur le gazon où un poney ébouriffé et un âne ayant l'air endormi broutaient l'herbe courte avec un plaisir nonchalant. Ils traversèrent la pelouse. La jeune dame se sépara de son compagnon devant l'une des rangées de chaumières voisines de l'auberge dans laquelle j'allais passer mes jours de congé. Elle fit à l'organiste une gentille petite révérence, ouvrit la porte de bois et entra dans le jardin rustique. Je la regardai jusqu'à ce que la porte de côté elle se fût ouverte et refermée sur elle. Elle était ma voisine. Mon cœur fit un grand saut à cette seule pensée, et je retournai à mon logement rempli d'un bonheur qui m'était tout nouveau, une espèce de bonheur étrange et enivrant, semblable à l'ivresse d'un jeune homme qui a goûté du vin de champagne pour la première fois. Pourquoi vous dis-je ces choses, Marcia ? Est-ce la dissection de mon propre cœur que j'assiste froidement ? Non. Le moi qui existe aujourd'hui n'a plus rien de la nature du jeune étudiant qui devint amoureux de Caroline Catron il y a 17 ans. Je vous raconte seulement la folle passion d'un jeune homme insensé qui prit les capricieuses impulsions de son imagination pour les véritables instincts de son cœur. Je retournai à mon logement et fis semblant de manger le repas, moitié dîner, moitié souper, qu'on m'avait préparé. J'étais encore faible par suite de ma fièvre, et après cette tentative, je me mis dans une bergère près de la fenêtre ouverte, regardant le paysage obscur au dehors, au-dessus duquel les étoiles brillaient faiblement. Un brouillard gris s'étendait sur le voisinage des bois et sur les montagnes éloignées, et des lumières apparaissaient çà et là aux fenêtres d'une des maisons de Weldridge. Dans un autre temps, j'aurais été pressé d'avoir une bougie et un livre, et je me serais impatienté de cet inutile crépuscule. Mais ce soir-là, plongé dans mes réflexions, j'oubliais que je n'avais jamais été étudiant. Toutes les ombres imposantes de ma jeunesse s'étaient évanouies, et au travers de l'épais brouillard gris, je voyais la figure d'une femme me regarder avec un brillant sourire de coquetterie. Je m'abandonnais à une délicieuse rêverie dans laquelle je m'imaginais ma belle voisine soignant un père malade, voltigeant autour d'une mère adorée, une créature de vie et de lumière dans un simple intérieur, un être dont la présence faisait émaner la joie aussi naturellement que le parfum émane des fleurs. Si l'impossible Asmodée m'avait emporté parmi les cheminées de la petite auberge et m'avait fait regarder au travers des toits des cottages, si un démon ami avait fait cela, qu'aurais-je vu? Une femme paresseuse et mécontente, étendue sur un sofa, essayant de lire un roman, mais trop occupée de ses propres ennuis et de sa vanité pour pouvoir s'intéresser à ce qu'elle lisait. Une jeune fille maussade, une sœur négligente, nul ange secourable, nul trésor domestique, rien dans le monde qu'une femme ayant conscience de sa beauté, absorbée dans la contemplation de ses charmes, et s'indignant d'un système social qui ne lui avait pas fait trouver un jeune noble prêt à lui placer sa couronne sur le front. Ainsi s'achève le tome 1er du Locataire de Sir Gaspard par Marie-Elisabeth Braddon.